Hein, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais me chercher les. C'est les trucs là. Mais non, Fulda, ça, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, donc ça m'intéresse pas, ça. Ça, c'est pas ça que je veux. Non, mais c'est pas grave. C'est ce que. Moi, ce que je veux. Non, mais on va en reparler, parce que moi, je suis pas content. Ouais, mais moi non plus. Parce que Rigaud, il nous a laissé un message. Moi, ils appellent tous pour ça. Ouais, non, mais, non, mais il paraît que l'autre, fesse de babouin de mes deux, là. Oui. Hein, lui, il s'amuserait à perdre des saloperies, là. Encore. Non, mais. Pour le 1er avril. Parce que moi, la semaine dernière, quand tu m'as ramené, dimanche, fais-moi confiance que je me suis couché, il était 5h du matin, parce que j'ai fait venir les flics. Je te fais confiance. Parce qu'on a retrouvé des saloperies devant la porte, encore. Oh. Ah. Alors, moi, je commence à en avoir ras-le-bol. Sandy commence à en avoir ras-le-bol. De manière, Sandy, elle a bien dit que si ça cessait moi, pas... Moi, tu peux le dire aussi, hein. Et toi, si ça cessait pas, de manière, ça va aller vite, ça va aller au tribunal. Ouais. Et moi, je voudrais bien qu'une chose, que les gens arrêtent de nous harceler pour nous demander si c'est vraiment vrai cette histoire du 1er avril et qu'ils arrêtent d'appeler dans le bureau ou sur le répondeur pour nous dire des saloperies. Parce que là, ça commence à bien faire. Hein? Donc, fesse de babouin, un conseil que je te donne, arrête, parce que ton numéro, de toute manière, je l'ai, est avec Figeau. Hein? Alors, un conseil que je te donne, c'est, tu arrêtes tes conneries, parce que ton numéro, de toute manière, je l'ai. Il est transmis à Max. Alors maintenant, tu te démerdes. Donc, si on pouvait l'avoir, mais à mon avis, je pense que... Il est... Oh, ben, ah, il est là, ben, très bien. Wow. Ah. Allô? Allô? Oui? Oui? Salut Gérard? Oui? Ça va? Oui, ça t'amuse là, tes conneries? Oui, mais dépêche-toi que je reçois plein d'appels pour la soirée du Ouais, allez, arrête, ouais, non, arrête, non, arrête, non, mais oh! Bon, ça t'amuse là? Alors, on rappelle qu'il y a un tract qui circule que tu aurais fait, c'est ça? Ouais. Alors, on va le relire, tiens, mon pote, parce qu'on va dire qu'on l'a, vas-y, Gérard, relis-le. Alors, donc, du jamais vu, nouveau catalogue de GG. Hein? Ah ouais. Grande opération 100% sexe. C'est vrai. Avec Télé 7 jours et Europe 2. Ouais, je sais, ils ont signé avec... Attends, laisse-le faire. Alors maintenant, vas-y, lis-le, vas-y. Hein? Donc, Gérard de Suren te propose, dans son nouveau catalogue, de profiter de son petit corps bien gaulé et de découvrir les joies du plaisir sexuel avant l'an 2000. T'es d'accord? Ouais, c'est vrai que t'es bien gaulé, ouais. Ouais, de toute manière, tu me connais pas, alors donc tu fermes ta gueule. Voilà, déjà, tu t'es déjà pour commencer. Vas-y, mais alors, lis-le. Pour ça, le petit furet de Suren te propose de lui faire, alors, une masturbation à 10 francs. Donc là, je vais te dire une chose, que c'est pas histoire. C'est beaucoup plus cher. Une fellation 30 balles, donc j'en ai rien à foutre. Dis-le, vas-y. Une sodo à 100 balles. Mmh. Une double pipe plus escargot de 6 ou 12 à 200 balles. Ouais, ben, marre-toi. Marre-toi, espèce d'abruti, parce que ton numéro, de toute manière, il va être retransmis au commissariat. Et après, tu vas avoir des petits problèmes. Donc, si ça t'amuse à faire des conneries comme ça... Continue à lire, j'aime bien. Non, mais... Attends, alors, vas-y, lis, Gérard, vas-y. Donc, un cuni à Sandy avec tartare 500 francs plus supplément herbe. Ou cacahuète à 10 balles. C'est bon ça. Ouais. Fais gaffe, le jour où qu'on va t'attraper, toi, je vais te dire une chose, tu vas passer un quart d'heure, un mauvais quart d'heure. C'est clair, continue. Donc une décoloration des sexes... De tes poils. De ses poils du cul, avec les produits de L'Oréal. Hein, à 500 balles. Ouais. Donc, tu apprendras à dire, au lieu de marquer L'Oréo, tu mettrais L'Oréal. Non, mais attends. Pour l'instant, tu fermes ta gueule, d'accord? Alors, continue. Après, tu mets introduction d'une bouteille de bière dans l'anus à 850 balles. Alors que, pour l'instant, je bois plus de bière, d'accord? Ouais, mais c'est au choix, ils peuvent prendre la bouteille. Ouais, non, mais moi, attends, laisse-moi lire le track, s'il te plaît. Évite trop les commentaires, vas-y. Super bonus, 2 bouteilles de bière à 1000 balles. C'est un scandale. Abat sexuel avec... Ébat sexuel. De toute manière, ça se voit que son ordinateur, il déconne. Non, c'est marqué ébat sexuel avec le New Code 2000 francs. Ben, vas-y, continue, toi. 8 positions jamais vues, plusieurs musiques d'accompagnement. Vas-y, Gérard, c'est quoi les musiques? Viens Poupoule, Hélène, à la queue leu-leu. Voilà, continue. C'est pas mal. Alors là, le pire, écoutez bien, là, c'est un scandale ce que tu as fait. Vas-y. Alors, partout à domicile à moins en moins de 30 minutes, c'est 4 000 francs. Sinon, on vous rembourse, hein, bien sûr. Hein. Plus bonus. Bonus avec 110, 5 000 francs. Donc, Manu, s'il te plaît, tu m'appelles Sandy parce que... Et ensuite, attention, super bonus. Super bonus avec Sandy encore. Plus une presse foot. Brespec 7005. Là, je crois que tu vas un peu loin. Pourquoi ? Ah bah parce qu'il n'y a pas de petit déjeuner compris avec une partouze. On n'a jamais vu ça. Bah si, ça dure toute la nuit, mais non, ça non, Gérard, t'as déjà vu ça, toi ? Non. Non, mais attends. Comment, Manu ? Je disais, c'est occupé chez toi. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des, bandes de branlantiers qui mobilisent la ligne. Alors, pas arrêter. Non mais attends Manu, tu fais quelque chose. Mais je peux pas s'occuper. Mais tu te débrouilles, tu fais quelque chose, merde. Appelle sur le tam-tam. Ouais, attends. Et tout à l'heure, je vais t'appeler mon poing dans ta gueule. J'ai le numéro du portable 210, tu veux. Bon, alors, tu touches à ton cul, toi. Fini en disant le truc exceptionnel. Gérard nous montre, une fois de plus, ses talents innombrables avec le sexe, avec de nombreux lots à gagner. Alors, lis les lots. Une superbe montre. Alors, une superbe montre, schmutz. Donc, celle que... Ben non, mais c'est pas la peine de planquer derrière les affiches, Max. Hein. Parce que moi, ça me fait pas rire, cette histoire. Parce que t'es dit switch, c'est switch. Ouais, mais c'est... Pour ça, j'rigole. Ouais, mais c'est une montre que t'avais à un moment donné. Ah, ouais, et... c'est des montres switch que j'ai. Une paire de lunettes vues à haut poil. Ouais, oh, Max, arrête, s'il te plaît. Vues au poil, c'est pour ça que je me pensais pas. Ouais, mais vas-y, l'idée. Pour les marques, t'imagines si les marques ils écoutent, ils vont gueuler quoi. Non mais moi j'en ai rien à foutre. Un magnifique appareil photo presse. Bon mais attends, et pourquoi pas un pic-bule ou un cachalot aussi tant qu'ils y sont. Bah y avait pas de dispo ça. Ouais ouais. Alors moi je vais te dire une chose, fesse de babouin. Ouais. Tu vois toutes tes saloperies. Ouais. Écoute bien parce que Max et toute l'équipe se joint à Gérard pour dire ce qu'il va dire. Tu vois où que c'est là. Là pour l'instant c'est chez les pliques. Ouais. Ah ben là je m'y joins pas alors. Hein. Et après ça va se terminer avec des dommages et intérêts. Parce que là je vais te dire une chose, tu t'en prends sur Sandy, tu t'en prends sur moi, donc ça va te coûter 50 000 francs de dédommages et intérêts. Pour lui payer ses factures. Hein. Et donc tu sais où tu vas aller ? Non. Au tribunal et en cabane. Ah et en cabane en plus hein. Et là, en cabane, tu vas faire comme Jean-Pierre, tu vas y rester pour un bon bout de temps. Ouais, mais Gérard, vos fesses de babouin, c'est pas mon vrai nom. Non, mais moi, je veux pas le savoir. Maintenant, j'ai ton numéro. Ouais, mais je suis pas chez moi. Hein. Ah non, mais t'es pas chez toi, mais moi, j'en ai rien à foutre. Non, parce que c'est le numéro, Gérard, c'est le numéro d'une cabine, donc ça va être dur. Hein. Ah non, mais de toute manière, les flics, ils savent. Ils savent que c'est un numéro de cabine téléphonique. Donc, fais-moi confiance que le jour où ils vont te mettre la main dessus, les flics... Bah, j'espère qu'ils vont pas me, ils vont pas me choper quand je vais prendre ma douche dans la cabine. Ah bah ça tu vas te démerder, mon pote. Ouais. Parce que là, fallait que tu fasses attention. Ah, parce que je crois que t'as... Allez, c'est une dernière chance, Gérard. Non. Non. Et tu passes le pas avec tous les tracts. Fesse de maman, non. Fesse de maman, tu as quel âge? 15 ans, 16 ans? Bah, je vais avoir 17, là. Tant pis. Ah bah, attends. En plus, 17 ans, et tu te permets... T'es dur avec les jeunes, Gérard. Tu te permets de machiner des trucs sur la vie privée des gens alors que tu connais pas. Bah, je sais que non, mais attends, excuse-moi, il a raison. Genre, quand tu dis relieux, non, mais ça, c'est quand même hallucinant, là, truc à domicile, là. Quand tu dis, là, tu permets la vie des gens, la deuxième page, la fin. Pardon, bonus. Bonus, ouais. Avec Sandy. 5000 francs et super bonus, relis-le. Super bonus avec Sandy plus Bright Spikes. 7500. Là, je crois que tu vas un peu loin. Mais non, mais j'ai déjà vu ça, moi, quand je passe devant chez toi, par le balcon, on voit. Attends. Ah ouais. Alors attends. T'as déjà un froid des Bright Fest. Attends, non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi, là? Non, tu mets le jus d'orange pour regarder ce frais sur le balcon avec les croissants. Ouais, c'est ça. Prends-moi bien pour un con, espèce de connard. Parce que je veux dire une chose, que ton site internet... Ouais. Ton site internet... Ouais. Je l'ai donné... il est mort. Il est mort, ton site internet. Ok. Eh ouais. Ouais, essaye de le refaire. On va voir. Ouais, faut que tu te manques, Gérard, parce que je vais coller des tracts cette nuit. Hein. Ouais, ouais bah, essaye. Alors là, je préviens tout de suite, ceux qui habitent sur Rennes, faites gaffe. Il y a un mec qui va coller des tracts, alors chopez-le. Voilà, t'es content? Ouais, mais... on peut avoir Sandy? C'est occupé. Ouais. Tu veux que je te montre? Mais non, mais on te croit. De toute façon, on est là. De toute façon, on est avec Gérard ce soir. Alors, salopard, putain. Bon, j'annonce quand même qu'après le 1er avril, il y aura une super soirée aussi fin juin pour la fin des examens. Ça s'en occupe. Bon, Sandy, s'il te plaît, raccroche. Tu raccroches et tu laisses les... Bon, attends, manque-toi de raccrocher, s'il te plaît. Tu lui parles sur un autre ton à Sandy, d'accord? J'ai dit, s'il te plaît. Manque-toi de raccrocher, s'il te plaît. Mais il parlait de l'auditeur. Alors, Sandy, tu te dépêches de raccrocher le téléphone. On essaye de te joindre pour savoir ce qui se passe. Bon, on te laisse, fesse de babouin. Ok, bah, d'accord. Merci à tous. Hein. Ok, ah ouais, t'amuses pas à continuer tes saloperies parce que tu risques de faire comme Jean-Pierre.